Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganilo. C'est le moment de suivre le journal et parler langue française. Et donc voici les principaux titres. Le parti CNDD-FDD répondra à l'invitation du facilitateur pour la poursuite du dialogue interburundais extérieur. C'est le secrétaire général de ce parti qui l'annonce. Et les prix des denrées alimentaires continuent à grimper dans la province de Cibitoke. Un kilo de riz qui était à 1800 IA de cela deux semaines coûte 2200 le kilo et la même montée des prix s'observe pour d'autres denrées alimentaires. Et le Conseil national de la communication CNC envisage délivrer la carte de presse pour les journalistes d'ici fin 2017. C'est le vice-président de ce conseil qui l'annonce. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le parti Sawanya Fodebu Nyakuri s'interroge de l'avenir du dialogue inter-burundais extérieur suite aux invitations données aux participants inhabituels. Kefani Bizi, président de ce parti, s'inquiète de la participation dans le prochain round des personnes poursuivies par la justice. Que ce ne soit pas de nature à torpiller le dialogue. On l'écoute. Il y a des gens qui sont poursuivis par la justice burundaise qui ont été invités. Et nous avons vu aussi d'autres qui ont été invités sur des organisations politiques inexistantes au Burundi. Je dirais par exemple FNR, Amis de la Burundi, SNFDD, Frondeur et autres. Et je dirais même qu'il y a quelqu'un qui a été invité au nom du président, du chairman, on a dit ça en français, du Frodebout, alors qu'on avait déjà invité le président du Frodebout. Et là aussi, nous avons besoin d'avoir des éclaircissements. Donc nous demandons aux facilitateurs de ne pas céder au piège de ceux qui veulent s'immiscer dans le dialogue inter-burundais, mais aussi nous demandons à ces organisations internationales, aux pays étrangers, de continuer à aider le dialogue sans toutefois l'entraver. Est-ce que vous ne prenez pas mal des sacrifices ou des concessions faites au prix de la paix? Je vous dirais que de tels sacrifices, par ailleurs, ne sont pas du tout nécessaires parce que la paix et la sécurité règnent au Burundi. Ces gens-là avaient tenté de perturber la sécurité, ils ont échoué. Ils veulent passer par cette voie et des négociations pour revenir au Burundi et nous craignons qu'ils veulent encore se réorganiser pour faire la même chose. C'est pour cette raison que nous demanderions qu'ils soient d'abord sanctionnés pour éviter qu'ils jouissent de cette impunité. Kefani Bizi, le président du parti Sawanya Fodebu Nyakuri. Et le parti CNDD-FDD répondra à l'invitation du facilitateur Benjamin Mukapa pour la poursuite du dialogue inter-burundais. Le secrétaire général de ce parti indique qu'il va d'abord demander aux politiciens vivant à l'étranger et autres Burundais de rentrer au pays. Évariste Ndayishimiye souligne que le parti au pouvoir va aussi demander aux pays hébergeants ceux qui sont poursuivis par la justice de les extrader. Suivez Evariste Ndayishimiye au micro de nos confrères de la radio Culture. Si le CNDD-FDD a été invité, c'est normal de répondre présent à ces assises. Alors, pour nous, nous sommes prêts à dialoguer avec les Burundais qui ont fui le pays par peur, mais pas les criminels qui sont recherchés par la justice. C'est-à-dire ceux qui ont renversé les institutions. Donc ceux-là sont recherchés par la justice. La solution, c'est la justice, ce n'est pas politique. Ce sont des criminels. Ma priorité, c'est d'abord de conseiller ces gens-là qui sont à l'extérieur du pays d'accepter de rentrer au pays pour rebâtir notre nation. S'ils veulent avoir des places politiques, il faut venir et préparer les élections de 2020. Comme ça, ils auront ce que le peuple aura donné à eux. Évariste Ndayishimiye, il est secrétaire général du parti CNDD-FDD. Parlant toujours du dialogue, 11 organisations de la société civile qui sont en ELOP, ACOPA, MAC, ABA, CODIP, CAPES+, CASAF, FOLCON, MANAD, Ligue Isere et ACOPA s'indigne de la constitution de la liste des participants établie par le bureau du facilitateur Benjamin Mukapa pour le prochain round du dialogue prévu du 16 au 18 février à Arusha, en Tanzanie. Ces organisations trouvent que le gouvernement ne devrait pas répondre à cette invitation si cette liste n'est pas retouchée. Les activités de la Commission nationale du dialogue interbondé s'achèvent avec le mois de mars par la présentation d'un rapport final. Le président de cette commission, qui le déclare, ajoute qu'un délai supplémentaire de 3 mois leur avait été accordé. Monsieur Justin Zouissaba précise que sur l'agenda, il reste des séances d'échange avec les journalistes, les étudiants et les opérateurs économiques qui sont prévus au cours de cette semaine. Suivez Monseigneur Justin Zouissaba, il est président de la CNDI. On était en train de préparer le rapport final, puisqu'on attendait qu'on augmente quelques jours pour finaliser. Pour le moment, nous sommes en train de préparer le groupe organisé qui restait, c'est-à-dire ce jeudi, le 16 février. Nous allons rencontrer les journalistes, les étudiants et les opérateurs économiques. Peut-être la semaine prochaine, on va rencontrer les parlementaires, les ministères et les commissions spécialisées, ainsi que la police et les militaires. Quand va sortir le rapport de vos activités? Juste à la fin du mois d'avril. Et on nous a augmenté le temps au mois de janvier. C'est là où nous avons décidé de préparer le rapport final. Vous aurez constaté que le rapport final sera présenté au mois d'avril et non pas au mois de mars, comme on vous l'a communiqué tantôt. Je venais de vous le dire, 11 organisations de la société civile qui sont l'ELOP, ACOPAMAC, ABA, CODIP, CAPES+, CASAF, FOLCON, NAD, Ligue Isere et ACOPA s'indignent de la constitution de la liste des participants établie par le bureau du facilitateur Benjamin Mukapa pour le prochain round du dialogue prévu du 16 au 18 février à Arusha, en Tanzanie. Ces organisations trouvent que le gouvernement ne devrait pas répondre à cette invitation si cette liste n'est pas retouchée. C'est dans une conférence de presse qu'elles viennent d'animer. On écoute. Les organisations de la société civile ont constaté que la facilitation a mal identifié les parties prenantes au dialogue inter-burundais. En effet, les frondeurs du CNDD-FDD peuvent demander pardon et réintégrer le parti sans autre forme de procès. Par conséquent, ils ne doivent pas être invités par la facilitation. Pour les putschistes, il n'existe nulle part au monde où les putschistes peuvent participer aux négociations au lieu d'être sanctionnés conformément à la loi. Concernant les invités des partis politiques au dialogue inter-burundais, du 16 février 2017, la procédure qui a été utilisée n'est pas légale et il y a eu la violation de la loi sur les partis politiques. Le facilitateur a fait une confusion entre les partis politiques et les coalitions. Il a oublié que les coalitions existent pendant la période électorale et après, les coalitions disparaissent. Les organisations de la société civile, au nombre de 11, voudraient l'appeler aux facilitateurs, au gouvernement du Burundi, à la communauté nationale et internationale, que les coalitions des partis politiques et des indépendants existent pendant la période électorale et après, elles disparaissent. Et après, chacun regagne son camp. Nos organisations constatent et font un clin d'œil à la facilitation que la position d'infériorité qu'elle veut mettre l'État burundais n'est pas acceptable au moment où elle commence à déconsidérer sa souveraineté nationale, d'agréer les partis politiques, qui est une compétence qui entre dans le domaine réservé de l'État. Les groupes non légalement reconnus devraient trouver un autre cadre d'expression accepté par la facilitation et ainsi éviter de les confondre avec les partis politiques agréés. Nos organisations de la société civile proposent aux facilitateurs dans le dialogue inter-burundais de reporter la réunion à une date ultérieure pour faire l'anamnèse des parties prenantes et identifier les vraies parties prenantes à ce dialogue, sans oublier les représentants de certaines organisations de la société civile, les forums des femmes, les jeunes et les confessions religieuses. C'était Gilbert Bekon-Jangwa, président de Onelope Burundi. Onelope Burundi, une des onze organisations de la société civile qui ont organisé ce mardi une conférence de presse pour s'exprimer par rapport à la prochaine séance du dialogue qui doit se tenir du 16 au 18 février. À Arusha. Eh bien, le Conseil national de la communication du Burundi CNC envisage de délivrer la carte de presse pour les journalistes d'ici fin 2017. Et d'après Gabriel Bihumugani, vice-président et porte-parole de ce conseil, le CNC attend d'abord l'amendement de la loi sur la presse dont le projet est déjà en cours. Il précise que plus de 800 journalistes se sont fait inscrire à cet effet, mais certains peuvent ne pas l'avoir faute de leurs dossiers qui sont incomplets. Suivez Gabriel Bihumugani, porte-parole du Conseil national de la communication CNC. Les journalistes devraient travailler ayant une carte de presse. Mais avec la loi régissant la presse au Burundi, il n'était pas possible. La loi prévoit qu'il devrait y avoir un autre texte portant statut du journaliste. Mais cette loi n'a jamais été promulguée. Sur ce, la carte de presse n'a jamais été délivrée. Le Conseil national de la communication a jugé bon de proposer un amendement de la loi régissant la presse au Burundi pour que le conseil puisse délivrer la carte de presse définitive. Le projet d'amendement de la loi sera bientôt étudié au conseil des ministres et puis par après, il sera soumis sur la table du Parlement pour qu'il soit voté afin que la carte de presse soit délivrée. Et il y a la chance que la carte soit délivrée d'ici 2017. L'année passée, nous avons mis sur pied un registre national des métiers. Jusqu'au 31 décembre, nous avons 886 inscrits au registre des métiers. Mais tenez bien, les 886 ne signifient pas qu'ils vont bénéficier directement des cartes de presse. Parce qu'ils se sont fait inscrire, mais tout le monde n'a pas amené les documents nécessaires pour avoir la carte de presse. Ceux qui ont amené tout le nécessaire vont avoir directement la carte de presse. C'était la Gabriel Bihumugani, porte-parole du Conseil national de la communication CNC. Et sur la page sécurité, un enseignant de l'école fondamentale de Gihanga en commune et province de Bubanza a été sérieusement tabassé par les élèves de cet établissement. C'était ce mardi matin, alors qu'il punissait les écoliers en retard, un élève de la 7e année qui est considéré comme promoteur, a tenté de s'évader à bord d'une moto sans succès parce que la moto a été saisie par ses élèves et le conducteur lui aussi a été battu par ces derniers. L'enseignant et le motard ont été transférés à l'hôpital et le promoteur de ces échauffourées a été arrêté pour enquête. Et quatre écoliers ont trouvé la mort dans l'après-midi de ce lundi à Kizina de la commune Gihanga sur la route nationale 9 Bujumbura-Bubanza suite à un accident de roulage. Il s'agit d'un véhicule de type Probox qui roulait à grande vitesse, qui a dérapé en dehors de la route et a percuté les quatre enfants alors qu'il y rentrait de l'école et une maison de ses environs a été aussi détruite. Deux écoliers sont morts sur le champ et deux autres ont rendu l'âme après être transférés à l'hôpital. Et page économie, les prix des denrées alimentaires continuent à grimper dans la province de Chibitoke. Un kilo de riz était à 1800 il y a deux semaines, coûte 2200 francs le kilo. Et le kilo de haricots qui était à cette période à 1700 francs coûte 2000 francs burundais. Et un kilo de farine de maïs qui était à 800 francs coûte désormais 1500. La population de cette localité s'en indigne et estime que les commerçants ne devraient pas profiter de la famine pour enregistrer des bénéfices colossaux. Quant aux commerçants, ils indiquent que le prix de vente est déterminé par les prix auxquels ils ont acheté différents produits. L'administration provinciale promet qu'elle va s'investir pour trouver réponse aux dites préoccupations de la population de sa circonscription. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le ministère du Commerce appelle à tout citoyen de traduire en justice tout commerçant qui vend le sucre à un prix non fixé par le gouvernement. Le ministre l'a dit ce mardi lors de la présentation des réalisations au cours de l'année 2016. Pelat Nyunghulu précise que le travail de suivre le respect du prix revient principalement à l'administration et à la police. Suivez Pelat Nyunghulu, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Les listes sont dressées en collaboration avec donc les gouverneurs et les chefs d'antenne régionale et commerciale pour pouvoir donc faire le suivi des stocks et des prix sur le marché, comme indiqué dans les missions du ministère du Commerce. C'est-à-dire que le rôle de ces inspecteurs commerciaux qui sont éparpillés partout dans les coins du pays, leur rôle se limite donc à voir que le cycle est distribué jusqu'au point de vente, jusqu'aux commerçants bénéficiaires de ce cycle. Après tout cela, le rôle de suivi des prix, le rôle de voir que le prix de 2200 francs par kilo est respecté, ça c'est le rôle de l'administration. Mais ce que je peux conseiller, c'est qu'il y aura donc c'est la synergie entre le consommateur, donc l'administration, la police, voire même la justice, pour pouvoir donc dénoncer celui qui ne respecte pas le prix fixé par le gouvernement pour qu'il soit puni. On dit que le sucre devient toujours rare, mais le ministère du Commerce jusqu'à l'heure actuelle reconnaît que le prix du sucre est de 2200 francs par kilo. C'est pour cette raison que je supplie les consommateurs de ce cycle. Une fois acheté un kilo de cycle à un prix supérieur à 2010, de montrer à l'administration celui qui ne respecte pas le prix du gouvernement pour qu'il soit puni par les autorités compétentes. Donc, à dénoncer celui qui n'est pas en train de respecter le prix fixé par le gouvernement. C'était Pelat Nyunghulu, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Un an et 9 mois viennent de s'écouler après la destruction de 5 radios privées. Cette date coïncide avec la libération de notre confrère Salvatore Nahimana de la radio Maria. Il avait été arrêté dans les derniers mois de l'année dernière. Il était accusé de participer à une réunion de collecte des aides qui devraient être données à des combattants. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, la Saint-Valentin interdite au Pakistan en cause. La célébration ne fait pas partie de la culture musulmane aux USA. Michael Flynn, conseiller à la sécurité du président Trump, jette l'éponge parce qu'il a menti sur une affaire des relations qu'il entretenait avec le gouvernement russe depuis le gouvernement Obama. Des violents heurts ont éclaté ce lundi soir à Kinshasa entre la police et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo, qui exige notamment le départ du président Joseph Kabila. Les détails avec Didier Nyonzima. En République démocratique du Congo, dans la commune d'Ongiringiri, la police a utilisé du gaz lacrymogène et fait des tirs de sommation pour tenter de déloger un groupe d'adeptes du mouvement Bundu Dia Congo retranché dans leur lieu de culte, explique un témoin à la BBC. En Galiema, des tirs ont également retenti autour de la résidence du député né Mwanda Nsemi, le leader du Bundu Dia Congo. Depuis quelques semaines, le torchon brille entre le pouvoir et les adeptes de cette secte très influente dans l'ouest du Congo. On a aussi vu apparaître sur les réseaux sociaux une vidéo du député Mwanda Nsemi où il appelle ses partisans à chasser le président Joseph Kabila. Au cours de ces incidents, une dizaine de partisans du mouvement Bundu Dia Congo avaient perdu la vie. Aux États-Unis d'Amérique, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump ne sera pas resté longtemps en poste. Michael Flynn a quitté ses fonctions ce mardi, alors que Barack Obama ordonnait des sanctions contre Moscou en novembre dernier. Michael Flynn assurait de son côté auprès de l'ambassadeur russe que l'administration américaine se montrerait beaucoup moins sévère après l'alternance. Selon la RFI sur son site web, le général Flynn a menti en affirmant n'avoir jamais parlé des sanctions avec l'ambassadeur de Russie. Ainsi, le général Flynn est remplacé par le général Kellogg. C'est un scandale qui s'ajoute à d'autres nombreux du gouvernement Trump depuis 3 semaines, à savoir les fraudes électorales imaginaires, le décret anti-immigration bloqué en justice. Et enfin, au Pakistan, un tribunal pakistanais a interdit avec effet immédiat la célébration de la Saint-Valentin dans le pays. En cause, la célébration ne fait pas partie de la culture musulmane. Selon la BBC sur son site web, les médias ne sont pas autorisés à promouvoir et à couvrir les événements de la fête des amoureux qui a lieu ce mardi. La décision a été prise après une pétition présentée par Abdul Wahed, un citoyen dont l'appartenance politique n'est pas connue. Le pétitionnaire a rappelé dans sa requête que la Saint-Valentin ne fait pas partie de la tradition musulmane et a demandé que sa promotion sur l'espace public et les médias sociaux soit interdite. Déjà l'année dernière, le président pakistanais avait appelé à ne pas célébrer la Saint-Valentin. Il avait déclaré que la fête des amoureux était d'origine catholique et appartenait à la culture occidentale. Radio Isanganiro Chronique. Des calculs rénaux sont deux petites particules qui s'accumulent dans la vessie et bouchent les canaux urinaires. Le néphrologue Sylvain Pierre Nzeimana indique que cette maladie est due au manque de dissolution de certaines substances. Les détails sur cette maladie, c'est dans cette chronique signée Francine Ndirokoubgaï. Appelés aussi pierres au rein, les calculs rénaux sont des cristaux qui se forment dans le rein ou les voies urinaires, tels que définis par le néphrologue Sylvain Pierre Nzeimana. Les calculs rénaux entrent dans le cadre d'une pathologie appelée la lithiase rénale. Lithiase vient du grec lithos, qui veut dire pierre, et calcul vient du latin calculus. La lithiase rénale est une maladie qui est caractérisée par la formation de calculs, entre guillemets des cailloux, dans les voies urinaires ou même dans les reins. Les calculs rénaux résultent de la cristallisation de sels minéraux présents en trop forte concentration dans l'urine, selon le docteur Nzeimana. La formation des calculs est due à la précipitation et à l'agrégation de certaines substances qui se trouvent dans les urines, lesquelles substances n'ont pas pu être dissoutes. Ça peut arriver par exemple quand la consommation de liquide n'est pas suffisante et vont créer des amas. Et ces amas, plus tard, formeront des calculs. Cela peut être dû à une consommation excessive de ces substances et entraîner la formation de calculs. Certaines maladies comme la goutte peuvent aussi entraîner la formation des calculs rénaux. À part l'hérédité, il y a certaines maladies métaboliques comme la goutte où il y a des amas, des cristaux d'urate qui vont se localiser au niveau des articulations. Les mêmes cristaux peuvent se localiser au niveau des reins. Donc, et un régime alimentaire qui est riche en calcium, en oxalate, en phosphate peut entraîner des calculs plus fréquemment qu'un régime normal. Pour l'oxalate, c'est surtout le thé fort et le café fort, c'est les chocolats, c'est les épinards, c'est le Coca-Cola. Pour le calcium, c'est tout ce qui est laitage, le lait, le yaourt, le fromage. Et pour l'acide urique, c'est tout ce qui est protéines animales et alcool. Protéines animales, la viande, surtout les charcuteries, jambon, saucisson, boulettes. Le néphrologue Nzeimana fait savoir que la formation des calculs peut prendre des années. Ils ne déclencheront pas les crises que s'ils bouchent les conduits urinaires. La crise de colique néphrétique, ça veut dire la crise donc de lithiase, intervient lorsque, par exemple, le calcul est volumineux et qu'il s'engage dans les voies urinaires. Alors, il y aura au niveau des voies urinaires un obstacle qui sera très douloureux. Le patient aura très mal et c'est la douleur qui vient dans un premier plan. Et la douleur est localisée au niveau lombaire, au niveau rénal. Et c'est souvent le rein gauche ou le rein droit. Un patient peut avoir des calculs au niveau du rein et ne jamais faire de crise de colique néphrétique. Ça peut arriver, mais c'est rare. Quand on a des calculs dans les reins, c'est une question de temps. Parce que dans les reins, il y a du liquide, c'est l'urine. Et quand dans les cavités rénales, le calcul peut être entraîné par le courant et s'engager dans les voies urinaires. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la crise de colique néphrétique. Donc le patient peut rester asymptomatique pendant des années et la douleur est réveillée par une crise. Le diagnostic se fonde généralement sur les résultats des examens d'imagerie médicale. Le diagnostic de la maladie est fait par des examens plutôt simples. Quand le patient arrive et qu'il a une plainte qui oriente vers une lithiase rénale, on fait d'abord une radiographie de l'abdomen. Il y a des signes radiologiques qui vont montrer qu'il y a un calcul. Quand la radiographie n'est pas satisfaisante, n'est pas contributive, on peut compléter cet examen par une échographie des reins et des voies urinaires. Et pour le bilan de retentissement ou bien pour établir la gravité, on peut être obligé de faire un scanner des voies urinaires et des reins. Le néphrologue Sylvain Piandeimana indique que lorsque les calculs sont bien traités, ils peuvent guérir. Dans des cas rares, le patient peut être obligé d'aller se faire soigner hors du pays. On y reviendra dans notre prochaine chronique santé. Merci à Francine Ndiro-Kubraya pour cette chronique santé. C'est sur cette même chronique que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.